بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On continue le cours introductif ou les cours introductifs à l'étude des annulations d'Islam, naqd al-Islam. La dernière fois, on a vu un ensemble de règles concernant l'iman ou le kufr, la foi et la mécréance, concernant le takfir, concernant ces questions-là. Pour appuyer encore ce qu'on a vu la dernière fois, et pour montrer l'importance de l'étude des questions liées à l'iman ou le kufr, et de naqd al-Islam, les annulations d'Islam, on va parler aujourd'hui de règles, de ahkam, l'ahkam, التي تترتب على الردة تترتب على الردة و avoir des règles qui sont liées à l'apostasie, des règles liées à l'apostasie. Ce dars, comme j'ai dit, c'est la manière, une manière de montrer l'importance de toutes ces questions, c'est-à-dire que l'étude de naqd al-islam, l'étude de ce qui fait sortir la personne de l'islam, du takfir, du fait de sortir quelqu'un de l'islam, tout ça, ça a des, c'est pas simplement une étude théorique, c'est pas simplement théorique comme ça on apprend ce qui va sortir d'islam ou quoi que ce soit. Ça a une réalité, ça a une réalité dans la vie de tous les jours. Cette réalité, c'est ces ahkam dont on va parler maintenant. C'est-à-dire lorsqu'une personne il tombe dans la ridda, qui fait une des 10 annulations d'islam qu'on va expliquer dans les doros suivants, lorsqu'il fait une des 10 annulations d'islam ou une autre, par exemple lorsqu'il délaisse la salah, il y a des règles qui sont liées à cela. Ces règles, elles sont, il y a des ahkam, des règles, ahkam dunyawiyya, des ahkam ukhrawiyya. On parle ici de l'ahkam dunyawiyya, peut-être on parlera de l'ahkam al-ukhrawiyya. Ces règles dont on va parler, elles sont présentes dans tous les livres de fiqh. Dans Bab Hukm al-Murtad, le chapitre de l'apostat. Et elles sont présentes chez les contemporains. Puisque je pourrais m'appuyer, je le ferai en partie, sur la risala d'un savant contemporain, Ibn al-Uthaymin, dans sa risala, Hukm Tarik al-Salah, le jugement de celui qui délaisse la salah, al-Fasl al-Thani, à la page 22, il dit, فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الرِّدَّةِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ قَالْ يَتَرَتَّبُ عَلَى الرِّدَّةِ أَحْكَامٌ دُنْيَوِيَّ وَأُخْرَوِيَّ. Il dit, des règles sont liées à l'apostasie, par le fait de délaisser la salat ou autre, c'est-à-dire c'est entre autres des règles qui s'appliquent à celui qui délaisse la salat. Et elle s'applique bien sûr à d'autres, à ceux qui font n'importe quelle annulation de l'islam. Il commence en disant « Sukut ou ilayati ». Son autorité, il n'a plus d'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire ?« Fala yajouza yuwalla shay'an yashtaratu fil wilayati alayhi l'islam. Wa ala hadha fala yuwalla ala al-qasirina min awladi wa ghayrihim. Wa la yuzawiju ahadan min mawliyatihi min banatihi wa ghayrihinna. Wa qad sarraha fuqahauna rahimahumullahu ta'ala fi kutubihim al-mukhtasarati wal-mutawwala. أنه يشترط في الولي الإسلام إذا زوج مسلمة وقالوا لا ولاية لكافرين على مسلمة. La première, c'est quoi? La personne, lorsqu'il apostasie, la première chose, il perd l'autorité sur ses proches musulmans. Lorsqu'il apostasie, par exemple, en délaissant la salat, puisque c'est dans ce cadre-là que le site Ibn Uthaymin, mais on va le voir, il y a d'autres exemples. Il perd, premièrement, il perd l'autorité sur ce côté ولايته. Ça signifie qu'il n'a plus d'autorité sur ses enfants. Par exemple, il n'a plus d'autorité sur sa fille. Ça veut dire qu'il ne peut plus la marier. Il n'est plus son wali, son tuteur légal. Il faut trouver un autre tuteur légal lorsqu'il arrête la salat ou d'autres qu'on va apostaser. Ça nous montre l'importance de connaître naqd al-islam. Hein? Et il dit, Ibn al-Uthaymin, il n'est pas permis. Il ne peut pas marier sa fille, c'est la personne sur laquelle il a autorité. Et nous, savants du fiqh, les fuqaha, rahimahumullah, ont clairement explicité dans leurs livres, qu'ils soient résumés ou des livres plus longs, comme quoi il est une condition pour le wali, le tuteur légal, par exemple dans le mariage, l'islam, s'il veut marier une musulmane. Et ils ont dit, les savants, la wilayata li kafirin ala muslima, pas d'autorité pour un kafir sur une muslima. Thaniyan, le deuxième hukum, la deuxième règle, je fais un résumé bien sûr, suqutu irsihi min aqaribih, il n'a plus droit à l'héritage des musulmans. لأن الكافر لا يرث المسلم Il dit, car le kafir ne peut pas hériter du muslim. Tout comme le muslim ne peut pas hériter du kafir. Les hadiths d'Usama ibn Zayd, radiyallahu anhuma, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La hérite le muslim le kafir, ou le kafir le muslima, akhrajahu le Bukhari ou le muslim, ou gairuhuma. » Du hadith, à cause du hadith d'Usama ibn Zayd, radiyallahu anhu, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le muslim ne peut pas hériter du kafir, et le kafir ne peut pas hériter du muslim. Ce hadith il est rapporté par le Bukhari, le kitab al-Fara'id, et dans muslim. ثالثا troisièmement تحريم دخول مكة وحرمها تحريم دخوله مكة وحرمها لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا le troisième jugement il lui est interdit de rentrer à Mecca et de rentrer particulièrement dans le haram à cause de la parole d'Allah qui dit le très haut surat al-Tawba surat 9 le verset 28 signifie, ô vous qui croyez, les mouchirikoun, les associateurs, les idolâtres, ne sont qu'une impureté, qui n'approche pas de la mosquée sacrée après cette année, si, après cette année, l'année où a été révélé ce verset. Ici, ça nous pose une question. Aux gens qui défendent, par exemple, l'Arabie Saoudite, comment ça se fait que Ar-Rafida, les chiites, et entre autres les iraniens, viennent en masse au Hajj? Parce que la personne, il va au Hajj, il va à la Umrah, il verra les Iraniens, les Rafida, ou même les Irakiens, parmi les chiites ou les Libanais, quoi que ce soit. Et ils viennent en masse. Et on se demande pourquoi les livres d'Ibn Uthaymin ne sont pas appliqués en Arabie. Alors, c'est une question qu'on pose à ceux qui défendent là, le gouvernement d'Arabie, Al-Murtad. Rabi'a, tahrimu ma dhakar min bahimati al-an'am. Quatrièmement, l'interdiction de ce qu'il a sacrifié parmi les bêtes. الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يشترط لحله الزكاة لأن من شروط الزكاة أن يكون المزكي مسلما أو كتابيا يهوديا أو نصرانيا فأما المرتد والوثني والمجوسي ونحوهم فلا يحل ما زكاه يعني il est une condition toujours Ibn al-Uthaymin il est une condition parmi les conditions du sacrifice que celui qui sacrifie soit un musulman ou une personne des gens du livre juif ou chrétien quant à l'apostat à l'idolâtre, au Majus, une ancienne religion de la Perse, ils adoraient le feu, il n'est pas permis de manger ce qu'il sacrifie. De même, n'importe quel murtad, il est interdit de manger son sacrifice. C'est important. Ceux qui sacrifient la viande, combien parmi eux font la salade? Ils ne font pas la salade, plutôt. Combien parmi eux adorent les tombes? Ou pratiquent les religions, les fausses religions, comme la démocratie ou quoi que ce soit? On rajoute à la parole de l'Uthaymin les paroles de certains savants. وَقِيلَ لِوَكِيعٍ فِي ذَبَاحِ الْجَهْمِيَّةِ قَالَ لَا تُؤْكَلْ هُمْ مُرْتَدُّونَ قَالَ وَمَنْ قَالَ إِنَّ كَلَامَهُ لَيْسَ مِنْهُ فَقَدْ كَفَرْ وَقَالَ مَنْ قَالَ إِنَّ مِنْهُ شَيْئًا مَخْلُوقًا فَقَدْ كَفَرْ وهذا في معارج القبول المجلد الأول صفحة 74 و 200 Dans le livre معارج القبول au volume 1 la page 274 il est rapporté de Waqi' Waqi' c'est un salaf deuxième génération hein, c'est le cheikh de l'imam Shafi'i rahimahullah. C'est le professeur de l'imam Shafi'i on lui a demandé sur les sacrifices de l'Jahmiyyah l'Jahmiyyah c'est une secte dont on a déjà parlé qui reniait entre autres le fait qu'Allah soit au-dessus de la création il reniait le fait qu'Allah parle et il disait que la foi c'était seulement une croyance par le cœur. On lui a demandé à propos de ce que ces gens-là ils sacrifient, il dit on ne les mange pas ils sont des murtaddoun, ils sont des apostats donc on ne mange pas le sacrifice de l'apostat c'était connu chez les salafs. Et ensuite il a dit, celui qui dit que sa parole n'est pas de lui, il a mécru. Hein, puisque c'est la parole de Jahmiyyah, comme quoi ils disent que le Coran, qui est la parole d'Allah, on l'a dit plusieurs fois, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, Jahmiyyah est remis cet attribut-là. C'est pour vous donner un exemple, comme quoi les salafs, ils interdisaient les sacrifices des sectes qui se prétendent de l'islam, comme le Jahmiyyah al-Murtaddoun. Non. On a cité la parole de Waqi' Rahimahullah. On pourrait citer les paroles des ulémas du Najd. Il y a tout un ensemble de paroles dans le volume 7 de Dar al-Saniya autour de la page 480. Par exemple, la parole du Cheikh Ishaq ibn Abd al-Rahman, rahimahullah, lorsqu'il dit وتحريم ذبيحة المرتد مسألة إجماع حتى إن من الفقهاء من جعل التسمية من المسلم شرطا. طيب يدي الاسانسيال فالانتردكسيون دو ساكريفيس دو لابوستان ات اون كيستيون دو يونانيميتي دو إجماع مسألة إجماع. Donc on ne mange pas le sacrifice de ceux qui délaissent la salat. On ne mange pas le sacrifice de Ubbad al-Qubur, les adorateurs de tombes. On ne mange pas le sacrifice de ceux qui pratiquent la sorcellerie, etc. etc. خامسا cinquièmement, تحريم الصلاة عليه بعد موته وتحريم الدعاء له بالمغفرة والرحمة. Cinquièmement, l'interdiction de la salat sur lui après qu'il soit mort. L'interdiction d'invoquer Allah pour son pardon et sa miséricorde sur lui. Vous voyez l'importance de toutes ces règles-là. Celui qui s'oppose à ces règles-là, qui se marie, ou qui marie une femme qui se marie avec un wali kafir, son mariage il serait facile. Le batil. Celui qui mange des sacrifices de l'murtad, il mange de l'meita, il mange de la viande trouvée morte. Hein? Ainsi de suite. Celui qui prie sur une personne qui ne mérite pas qu'on prie sur lui, il a désobéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit Subhana ma kana lin nabiyyi walladhina amanu wa yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dans surat 9, le verset 113, Allah il dit il n'appartient pas aux prophètes et à ceux qui ont cru de demander pardon à Allah pour les mushrikeen, même s'ils sont des proches parents, après qu'il aurait été établi qu'ils sont des gens de l'enfer. 113. Ça répond aussi à ceux qui disent on témoigne sur personne qu'il est en enfer. C'est bien sûr. Celui qui meurt sur le kofr et dont on a connaissance qu'il est mort sur le kofr, on témoigne qu'il est des gens de l'enfer. C'est le musulman qui meurt sur un grand péché. Celui-là, il est interdit de témoigner qu'il est parmi les gens de l'enfer. Celui-là, il est sous la volonté d'Allah. Tahta al-mashi'a. Quand le pape meurt, la'anahullah, il est en enfer, c'est un kafir. Il va en enfer, dans le feu de l'enfer. Lorsque Yasser Arafat meurt, il est dans le feu de l'enfer, ce murtad. Lorsque, je sais pas qui moi, c'est qui est mort il y a pas longtemps parmi les têtes du kofr. Allah, je cherche, je sais pas. Il y en a plein, hein, vous êtes d'accord? Bon. Khair. Allah, il dit, subhanah, dans le même sens, وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Il dit ce qui signifie et ne prie pas sur aucun d'entre eux lorsqu'il meurt, jamais, et ne tient pas près de sa tombe. Cela car ils ont mécru à Allah et à son messager et qu'ils sont morts et qu'ils sont morts en étant pervers. C'est pareil dans surat Tauba, le verset 84. Al-Uthaymin dit ودعاء الإنسان بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر بأي سبب كان كفره اعتداء في الدعاء ونوع من استهزاء بالله وخروج عن سبيل النبي والمؤمنين. Le fait d'invoquer Allah, d'invoquer sa miséricorde et son pardon sur une personne qui est mort, pour une personne qui est mort sur la mécréance. Ici, il parle de celui qui, quelqu'un qui ne fait pas la salat. Il parle pas des adorateurs du diable ou je sais pas quoi, ou d'un athée ou d'un communiste ou de Karl Marx. Par de celui qui délaisse la salat. Il dit cela, c'est une sorte de moquerie envers Allah. C'est comme s'il se moquait d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il est sorti du sentier des croyants, et il est sorti du sentier du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, à la page 24, وكيف يمكن لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدعو بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر وهو عدو لله تعالى. Et comment se peut-il qu'une personne qui croit en Allah et au jour du jugement dernier invoque le pardon d'Allah et sa miséricorde pour une personne qui est morte dans la mécréance en étant un ennemi d'Allah Ta'ala? قَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. Alors qu'Allah Jalla wa'ala a dit ce qui signifie celui qui est un ennemi d'Allah et de ses anges et de ses messagers et de Jibril et de Mikal, alors Allah est l'ennemi des kafirines, des mécréants. في سورة البقرة verset 98. فبين تعالى الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الله تعالى عدو لكل الكافرين. الله clairement explicité le très haut dans ce verset noble qu'Allah est l'ennemi de tous les kafirin. والواجب على المؤمن أن يتبرى من كل كافر. C'est Ibn Uthaymin qui continue en disant ça. Et l'obligation pour tout croyant, c'est qu'il se désavoue de tous mécréants. لقول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, je me désavoue de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé, et c'est lui qui va me guider. C'est-à-dire qu'Ibrahim ici, ce qu'il veut dire, il s'est désavoué de son peuple quand ils ont adoré un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le devoir du musulman, al-bara'a. Et parmi al-bara'a, lorsqu'on parle de l'wala, al-bara'a, l'alliance, le désaveu, tout ça, c'est pas des simples paroles comme ça ou une théorie. C'est à ce moment-là que tu vas savoir. Est-ce que tu manges son sacrifice? Est-ce que tu pries sur lui? Est-ce que tu le prends pour wali? Pour ta future femme ou quoi que ce soit, ou alors est-ce que tu fais le bara sur lui? Si tu fais le bara et tu fais tout ça, t'as pas fait le bara. Tout ça, c'est des règles qui nous montrent l'importance de ces questions-là. Je résume. Sadisan, sixièmement, tahrimu nikahih al-mar'at al-muslima, li'annahu kafir, wa al-kafiru la tahillu lahu al-mar'at al-muslima bin-nass wal-ijma'. Qala Allah ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. Sixièmement, il est interdit de marier le mécréant, y compris celui qui délaisse la salat ou quoi que ce soit, avec une femme musulmane, car c'est un kafir. Et le kafir, le mécréant, n'est pas permis pour la femme musulmane par le texte et par l'ijma', c'est-à-dire deux dalils ici. Il y a un texte, Coran, Sunna, et en plus un ijma'. Et le texte, c'est le verset 10, le surat al-Mumtahana, lorsqu'Allah dit en résumé, la hunna hillu lahum, wa lahum yahilluna lahun. Elles ne sont pas permis pour eux, et ils ne sont pas permis pour elles. قال في المغني يعني الإمام ابن قدامة رحمه الله وسائر الكفار غير أهل الكتاب لا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم. ابن قدامة في المغني il a dit en citant l'Ijma, cité par Ibn Uthaymin à la page 25, et tous les mécréants autres que les gens du livre, il n'y a pas de divergence entre les gens de science sur l'interdiction de leurs femmes et l'interdiction de leurs sacrifice, encore une fois. Et demain, Ibn Qudama, rahimahullah, il dit وَإِن تَزَوَّجَ يعني المرتد وَإِن تَزَوَّجَ لَمْ يَصِحْ تَزَوُّجُهُ لِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَى النِّكَاحِ وَمَا مَنَعَ الْإِقْرَارَ عَلَى النِّكَاحِ مَنَعَ انْعِقَادِهِ كَنِكَاحِ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَةِ. Il dit si le murtad se marie, son mariage n'est pas valable. Car on ne le laisse pas dans son apostasie. On ne le laisse pas dans ce mariage-là. Normalement, le murtad, on lui demande de se repentir et on le tue. Donc s'il se marie, son mariage, il est annulé. L'apostat, celui qui ne fait pas la salat, les adorateurs de temps, tout ça, fait de l'apostasie, son mariage, il est annulé dans l'instant. S'il est marié avec une musulmane, il dit Ibn Qudama dans ce cas-là, إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فسخ النكاح في الحال ولم يرث أحدهما الآخر وإن كانت ردته بعد الدخول ففيه روايتان إحداهما تتعجل الفرقة والثاني تقف على انقضاء العدة تقف على انقضاء العدة. Ibn Qudama dit dans le Mughni, il dit si jamais l'un des deux époux apostasie, l'un des deux époux ils sont mariés dans un mariage, il y en a un des deux qui délaisse la salat, je sais pas moi, qui adore une tombe, qui prend le jugement de Tarot, n'importe quel acte d'apostasie. Est-ce qu'il dit Ibn Qudama, lorsque l'un d'entre eux, un des deux époux apostasie, si c'est au début du mariage, avant que le mari soit rentré chez sa femme, c'est-à-dire juste l'acte a été conclu, l'acte de mariage, l'acte, et ils n'ont pas encore été en khalwa, ils n'ont pas encore été en intimité. D'accord? Le mariage, il est annulé dans l'instant. Moi, je l'ai annulé dans l'instant, comme s'il n'avait jamais eu lieu. Ouais. Si jamais il apostasie après qu'il y ait eu entrée dans la vie conjugale, on va dire. C'est-à-dire après que le mariage s'est fait, ils ont vécu ensemble. Il y en a un des deux qui apostasie. D'accord? Il y a deux versions de l'imam Ahmed. La première, le mariage, il est annulé. Direct. On les sépare. On les sépare directement. Il y en a qui disent, de toute façon, on les sépare. La femme ou l'homme, il doit sortir. Mais si jamais celui qui apostasie retourne dans l'islam, avant la fin du délai de viduité, l'idda, le mariage, on n'a pas besoin de le refaire. Il reste tel quel. D'accord? Vous avez compris? C'est quoi? Par exemple, pour la femme normale, qui n'est pas enceinte ou quoi que ce soit, le délai de viduité, c'est pour 3 menstrues. Ça ne sert à rien. D'accord? Tant qu'on est dans cette période-là, si s'il revient à l'apostasie, soit l'homme, soit la femme, on ne leur refait pas de nouvel acte de mariage. On ne fait pas un acte djedid. On les laisse dans ce mariage-là. Ça vaut dans certains pays où les gens, ils insultent Allah. Les gens, ils insultent Allah comme ça. Ou ils insultent la religion. La personne qui fait ça, il apostasie dans l'instant. Femme, homme, quoi que ce soit. Il apostasie dans l'instant. La femme qui entend son mari insulter Allah, elle s'habille, elle sort de chez elle, elle s'en va. Ou la femme qui voit son mari ne pas faire la salat, elle s'habille, elle sort de chez elle. C'est ce qu'on est en train d'expliquer là. Si jamais il reprend la salat dans les 3 menstrues là, c'est bon, elle revient, elle n'a pas besoin de faire d'autres actes. On a résumé la parole des fuqaha dans ce sens-là. Parmi les règles qu'il n'a pas cité Ibn al-Uthaymeen dans ce petit livre, Hukm Tarik al-Salat, le jugement qui délaisse la salat, est pour cause le fait qu'on ne prie pas. Le fait qu'on ne prie pas derrière quelqu'un qui fait de l'apostasie. Pourquoi il ne l'a pas cité? Tout simplement, c'est qu'il parle du fait que délaisser la salat. Il va pas parler du fait de prier derrière quelqu'un qui délaisse la salat. C'est pas logique. D'accord? Nous, on en parle. Parce qu'il y a malheureusement des sortes d'apostasie qui se mélangent, je veux dire, allègrement avec la salat. Il y a des gens qui apostasient et continuent à faire la salat, et même certains sont imams dans les mosquées. طيب قال الإمام أبو بكر الأجرلي donc c'est là on est à combien c'est la 8e règle hein c'est la 7e règle سابعا عدم الصلاة خلفهم 7e règle le fait de ne pas prier derrière eux c'est derrière les apostats les gens qui font du kufr les gens qui font l'une des 10 annulations de l'islam qu'on va citer قال الإمام أبو بكر الأجرلي حدثنا أبو بكر محمد بن هارون العسكري الفقيه قال حدثنا محمد يوسف المطبع قال سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل فقال يا أبا عبد الله أصلي خلف من يشرب المسكرة فقال لا قال فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق قال سبحان الله أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر في الشريعة الأجري صفحة 88 الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى سيد إمام السلف كي يكريه ليفر دو عقيدة غرانديوز كي سابل الشريعة Il dit à la page 88, il cite l'isnad et il dit, j'ai entendu un homme, c'est pas lui, c'est celui dont il cite l'isnad, j'ai entendu un homme demander à l'imam Ahmed ibn Hanbal, le dire, Abu Abdillah, c'était sa kunya, et Abu Abdillah, est-ce que je prie derrière quelqu'un qui boit de l'alcool ou qui s'enivre? Il a dit non. Il lui a dit, oh Abu Abdillah, est-ce que je prie derrière quelqu'un qui dit le Coran est une création, c'est-à-dire quelqu'un qui renie l'attribut d'Allah? Il lui a dit, Subhanallah, tu me demandes un musulman. Je t'interdis de prier derrière un musulman, c'est-à-dire qui boit de l'alcool. Et tu me demandes à propos d'un kafir. D'ailleurs, il a trouvé ça, ajib. Hein, ça, c'est dans le Sharia à la page 88. Donc, cette parole de l'imam Ahmed, elle est claire. Il y a l'ijma de l'ulama qatibatan. C'est juste des exemples comme quoi on ne prie pas derrière le kafir. On ne prie pas derrière le kafir. De même, il est venu dans Ma'arij al-Qaboul, à la page, au volume 1, à la page 274. Comme quoi, Mu'tamar ibn Sulayman, parmi les salafs, on lui a dit, Ya Aba Muhammad, إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه فقال ينبغي أن تضرب عنقه وقال فطر وسألت حماد بن زيد فقلت يا أبا إسماعيل إمام لنا يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه قال صلي خلف مسلم أحب إلي وسألت يزيد بن زريعة فقلت يا أبا معاوية إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه قال لا ولا كرامة la fitna qu'il y a eu à l'époque des salaf, lorsque c'est répandu parmi les gens le fait que le Coran était une création, que c'est plus l'attribut d'Allah Azza wa Jalla. C'est un exemple pour montrer qu'une mécréance, elle était présente chez les gens qui pratiquaient l'islam, chez les gens qui étaient imams des mosquées, chez les gens qui étaient qudha, d'accord? Et tous ces salaf, parmi eux, Mu'tamar ibn Sulayman, Mu'tamir ibn Sulayman, Abu Muhammad, ou Hamad ibn Zayd, Abu Ismail, on leur a demandé à chaque fois, est-ce que je prie l'imam? L'imam dit que le Coran est créé, est-ce que je prie derrière lui? Le premier, il a dit, il faut lui couper la tête. Le deuxième a dit, on lui a demandé, est-ce que je prie derrière celui qui dit le Coran est créé? Il a dit, prie derrière un musulman, je préfère. Et Yazid ibn Zuray, Abu Mu'awiya, on lui a dit, l'imam dit que le Coran est créé, est-ce que je prie derrière lui? Il a dit non. Et aucun honneur pour lui. Voilà, karama. Tout ça, c'est dans Ma'arij al-Qaboul. De même, à notre époque, les mécréances qui se sont répandues parmi les gens, il est clair que si un imam dit qu'Allah est dans toutes choses, et renie la tribu de l'élévation, Sifat al-Ulu, parmi les Mu'assirines très connus, parmi lesquels Cheikh Hamoud ibn Uqla al-Shu'aymi, qui a une fatwa sur cela, rahimahullah, qui dit qu'on ne prie pas derrière celui qui renie la tribu de l'élévation. Et ça, ils sont nombreux, malheureusement, les imams, parmi les Asha'ira wal Jahmiya, qui disent qu'Allah est dans toutes choses, par exemple. On ne prie pas derrière les gens qui appellent aux élections démocratiques, par exemple. Ces gens-là, on ne prie pas derrière eux. On ne prie pas derrière, bien sûr, les imams, si c'est avéré, ça peut arriver malheureusement, qui pratiquent la sorcellerie. Des choses comme ça. D'accord? قال ابن قدامة في المغني مسألة قال وإن صلى خلف مشرك وامرأة وخنثى مشكل أعاد الصلاة والجملة أن الكافر لا تصح الصلاة خلفه بحال سواء علم بكفره بعد فراغه من الصلاة أو قبل ذلك وعلى من صلى وراءه الإعادة وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي وقال أبو ثور والمزني لا إعادة على من صلى خلفه وهو لا يعلم لأنه تم بمن لا يعلم حاله فأشبه ما لو تم بمحدث ولنا أنه تم بمن ليس من أهل الصلاة فلم تصح صلاته كما لو تم بمجنون أما المحدث فيشترط أن لا يعلم حدث نفسه والكافر يعلم حال نفسه في المغني المجلد الثاني صفحة 13 و400 في طبعة دار الحديث ابن قدامة رحمه الله nous explique. Il dit, si une personne y prie d'ailleurs un mushrik, si une personne prie derrière un mushrik et il cite, ou une femme, d'accord, parce que c'est aussi interdit à l'homme de prier derrière la femme, jamais il prie derrière une de ces deux personnes, il refait sa salat. Ça, c'est l'avis majoritaire chez les ulama. La plupart des ulama disent que si tu as prié derrière un kafir, tu savais ou tu savais pas, et tu as appris après la salat qu'il était kafir, tu dois refaire ta salat. D'accord? C'est l'avis de nombreux ulama. Et certains ulama parmi eux, parmi les salaf, Abu Thawr, qui est un élève de l'imam al-Shafi'i, et al-Muzani, qui est aussi un élève de al-Shafi'i, ont dit, on ne refait pas la salat. Pourquoi? Car tu ne savais pas. Et ils mettent comme condition que tu ne savais pas. Si tu pries derrière une personne, tu ne savais pas qu'il était kafir, hein, tu ne refais pas ta salat. Mais c'est un avis minoritaire. Le mieux pour la personne, c'est qu'il refasse sa salat. C'est qu'il refasse sa salat. Ça, c'est l'Al-Mourni, le volume 2, la page 413 dans le hadith. Et c'est l'avis, le fait qu'il refasse sa salat, c'est l'avis de l'imam Ahmed ibn Qudama, rahimahullah, de Shafi'i, rahimahullah, wa. Ici, je tiens à attirer votre attention, Khouan, sur plusieurs questions liées à l'imam. La première question qui a été posée, si jamais tu arrives dans la mosquée, l'iqama il a été fait, et malheureusement, celui qui dirige, c'est un murtad ou quelqu'un derrière lequel tu n'as pas le droit de prier. On va voir que l'interdit de prier aussi derrière da'i al-bid'a, celui qui appelle à l'innovation. Quand on parle d'innovation, encore une fois, on parle d'innovation grave. L'irja, que dire alors dans la démocratie, le soufisme, le tajahum, le fait de renier les sifat ou des choses comme ça. Taïb. Ibn Qudama, rahimahullah, alhamdulillah, les ulama, les savants du fiqh, rahimahumullah, jazahumullah, anna khaira. Ils ont pensé à toutes ces questions-là. C'est déjà arrivé de toute façon dans l'histoire de la Ummah, ce genre de choses. Je ne pensais pas que c'est pas arrivé. Ibn Qudama a dit, rahimahullah, wa idha uqimati s-salat wa l'insanu fil masjid, wa l'imamu man la yaslahu lil imama, fa insha'a salla khalfa, wa a'ada, wa inna wa s-salata wahdahu, wa afaqa l'imama fil ruku'i wa s-sujudi wa l'qiyami wa l'ku'ud, fa salatuhu sahiha, lianahu ata bi af'al s-sala wa shurutiha ala l-kamal, fala tafsudu bi muwafaqatihi ghayrahu fil af'al. كما لو لم يقصد الموافقة روي عن أحمد أنه يعيد قال الأثرم قلت لأبي عبد الله الرجل يكون في المسجد فتقام الصلاة ويكون الرجل الذي يصلي بهم لا يرى الصلاة خلفه ويكره الخروج من المسجد بعد النداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع قال إن خرج كان في ذلك شنعة ولكن يصلي معه ويعيد وإن شاء أن يصلي بصلاته ويكون يصلي لنفسه ثم يكبر لنفسه ويركع لنفسه يزود لنفسه ولا يبالي أن يكون سجوده مع سجوده وتكبيره مع تكبيره قلت وإن فعل هذا لنفسه أيعيد قال نعم قلت كيف يعيد فكيف يعيد وقد جاءنا الصلاة هي الأولى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الكلام ابن قدامة رحمه الله يجيب si dans la personne il est dans la mosquée et qu'on fait l'iqama, d'accord, l'iqama, ça va être l'heure de la salat, et il voit que l'imam il ne convient pas pour faire l'imam, c'est pas il convient pas, il l'aime pas, c'est dire qu'il n'a pas le droit d'être imam. Kafir ou da'i la bid'a. Il dit, s'il veut, il prie derrière lui. Et ensuite, il refait sa salat. Parce que là, il vient de prier une salat. Batila. Et s'il veut, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Ibn Qudama, il fait l'intention de prier seul. Il fait l'intention de prier seul. Et il fait le ruku en même temps que lui, le sujoud en même temps que lui, il se lève en même temps que lui, il s'assoit en même temps que lui. Et il dit, Ibn Qudama, fa salatuhu sahiha. Sa salat, elle est bonne. Voilà. Ça, c'est dans le Mourni. Je cite cet avis-là. Après, il rapporte, il y a des versions de l'imam Ahmed, comme quoi il disait, non, il doit refaire sa salat. Il doit refaire sa salat. Donc, le mieux, c'est de ne pas faire ça. Mais si la personne fait cela, ce qu'on appelle niyat al-mufaraqa, l'intention de ne pas suivre la salat de l'imam, Inch'Allah, on espère que sa salat sera bonne. Ça c'est dans le Mourni, le volume 3, la page 405 de l'édition Dar al-Hadith. Dar al-Hadith. La question suivante dont on voulait parler, salat khalfa da'i al-bid'ah. Le fait de prier derrière quelqu'un qui appelle à l'innovation, c'est-à-dire qui appelle à l'égarement. Clairement, il appelle à l'égarement, comme on l'a dit, à l'égarement grave, on parle pas des, entre guillemets, des petites bid'ah. On parle pas du, de la subha. On considère que c'est une bid'ah, le chapelet, là. Etc., etc. C'est la vie le plus juste, Inch'Allah. On va lire le livre de, Bakr Abu Zayd. قال ابن قدامة قال ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو يسك أو يسكر أو يسكر عفوا أعاد الإعلان الإظهار وهو ضد الإصرار فظاهر هذا أن من ائتم بمن يظهر بدعته يتكلم بها ويدعو إليها ويناظر عليها فعليه الإعادة ومن لم يظهر بدعته فلا إعادة على المؤتم وإن كان معتقدا لها قال الأثرم عفوا قال بعده وقال لا تصلي خلف المرجي إذا كان داعية وتخصيصه الداعية ومن يتكلم بالإعادة دون من يقف ولا يتكلم يدل على ما قلناه ابن قدامة يدي رحمه الله celui qui prie. C'est-à-dire quelqu'un qui appelle à l'innovation ou qui s'enivre doit refaire sa salate. Il doit refaire sa salate. Le fait de faire son innovation, et Hélène, le fait de faire son innovation, de la faire apparaître, il dit Ibn Qudama, c'est quoi? C'est celui qui fait apparaître sa bid'a, qui parle, qui appelle les gens, qui appelle les gens à sa bid'a, ou qui fait des débats pour défendre sa bid'a. Celui-là, il doit refaire, celui qui prie derrière une telle personne, il doit refaire sa salah. D'accord? Quant à celui qui ne fait pas apparaître la bid'a, même s'il la croit, on ne refait pas la salah derrière lui. D'accord? Et il cite ensuite Ibn Qudama plus loin une parole de l'imam Ahmed lorsqu'il dit, l'imam, la tusalli khalf al-murji idha kana da'iya. Ne prie pas derrière le murji s'il appelle à cela, s'il appelle à son irja. D'accord? Tout ça, c'est dans le Mourni. Tout ça, c'est dans le Mourni. Pareil, dans la même édition, en volume 3, la page 399. Pourquoi ils ont fait la différence? Surtout si la personne est connue comme étant un sunni, un muwahhid, hein, et que les gens le voient prier derrière une personne qui appelle à la bid'a. C'est élevé, ce mubtadi. C'est l'élevé. C'est une trahison envers la communauté. Surtout, pire encore, si la personne est connue pour être un talib al-ilm, un sunni, une personne qui appelle au tawhid, et que les gens le voient prier derrière le mubtadi, derrière la bid'a, derrière l'imam de la bid'a, celui qui appelle à l'irja, celui qui appelle les gens à l'égarement et à l'enfer, c'est une trahison pour la communauté, c'est une trahison pour les ignorants. On ne prie pas derrière une telle personne, c'est la vie de notre imam Ahmed. Ça n'implique pas le takfir. Ça n'implique pas le takfir. Quant aux gens du commun qui ont des petites bid'a ou qui ont des péchés, on prie derrière eux. On va citer les paroles des savants. Je développe cette question, même si elle n'est pas vraiment liée aux annulations d'islam, parce que c'est une question qui revient souvent. Surtout pour les gens qui commencent à comprendre ces masa'il-là, commencent à comprendre la différence entre le tawhid et le shirk, entre l'iman et le kufr, et tout ce que ça implique comme règle. C'est la question de as-salah khalf al-mastur, le fait de prier derrière un inconnu, personne que tu ne connais pas. C'est pas une condition, ikhwan, pour avoir un imam, de connaître sa aqidah, de lui poser une question, ou de lui faire un interrogatoire. Ibn Qudama rahimahullah il dit وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ حَالُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ مَا يَمْنَعُ الْإِهْتِمَامَ بِهِ فَصَلَاةُ الْمَأْمُومِ صَحِيحَةٌ نص عليه أحمد لأن الأصل في المسلمين السلامة ولو صلى خلف من يشك في إسلامه فصلاته صحيحة لأن الظاهر أنه لا يتقدم للإمامة إلا مسلم وهذا في المغني المجلد الثاني ابن قدامة il a dit rahimahullah celui qui ne connaît pas l'état de l'imam qui ne connaît pas son état, sa aqidah, son dîn, quoi que ce soit, il ne le connaît pas. Ça n'empêche pas de le prendre comme imam. Et celui qui fait la prière derrière lui, sa salat sera valable. Ceci est la parole de l'imam Ahmed. Il dit qu'à la base, c'est les muslimines, c'est As-salam. Hein? Pourquoi ils sont. C'est bon, quoi. S'il prie dans une personne dont il doute de l'islam, la prière sera valide. Valide. Il doute de son islam. On l'a vu, on a parlé, on a cité une parole de Cheikh Mohammed Abdel Wahab la dernière fois. Comme quoi, le doute, ça suffit pas pour sortir quelqu'un de l'islam. Tu doutes qu'il a fait une annihilation de l'islam, et tu es sûr qu'il est musulman, tu le sors pas de l'islam. Pareil. Tu doutes, tu pries derrière lui. Et ta prière est valable. C'est la parole d'Ibn Qudama dans le Mourni, le volume 2, la page 403. Mais à ce propos-là, As-salah khaf al-mastour, on prière derrière celui dont on ne connaît pas la aqida, Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعات لا يدعون الجمعة والجماعات كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ولم يقل أحد من الأئمة أنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور ولكن ظهر من المصلي بدعة أو فجور أمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره فأكثر أهل العلم يصححون الصلاة المأموم وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد. يدي ابن تيمية il fait partie des bases des gens de la sunna et de la jama'a des sunnites comme quoi il prie les jumu'a le vendredi les prières des fêtes les prières en groupe. Ça fait partie de leur particularité, de leur base. Ils ne délaissent pas le Jumu'ah, le fait de la prière du vendredi ou la prière en groupe, comme le font les gens de l'innovation parmi les chiites, al-Rafida. C'est-à-dire, les personnes qui ne feraient pas la salat à la mosquée, ou qui ne feraient pas la prière de Jumu'ah à notre époque, soi-disant que les gens sont kuffar ou quoi que ce soit, ils ressemblent à qui, il a dit, Ibn Taymiyyah? Au Rafida, au chiite. Vraiment, quoi. Il dit, si jamais l'imam est mastour, c'est-à-dire l'imam, on ne connaît pas de lui ni une bid'a, ni un péché. On ne connaît pas de lui ni innovation, ni péché. On prie derrière lui, à l'unanimité des quatre imams, et d'autres parmi les salats des musulmans. Et aucun imam n'a dit qu'en quoi il n'est pas permis de prier, sauf derrière celui dont je connais la aqida. Personne n'a dit cela. Comme il le dit certains à notre époque. Et ensuite il dit, mais si par contre on peut prier derrière quelqu'un qui est mieux, qui n'a pas de bid'a ou qui n'est pas fasiq, il faut le faire. En résumé de sa parole, qui va lui revenir, tout ça c'est dans Shismo, c'est dans Majmou' al-Fatawa, le volume 3, la page 280. Voyez l'importance primordiale des questions qui sont liées à la foi et à la mécréance. Ça touche à des choses essentielles de notre din. Ce qu'on mange comme sacrifice, avec qui on se marie, il y a de bonnes. Notre salat, les règles de janaza, des funérailles. Ça montre, tous ces règles-là, ils montrent l'importance d'apprendre les annulations de l'islam et l'importance de faire la différence entre le muslim et le kafir, entre le muwahhid et le mushrik. Et même, on l'a vu dans certains cas, entre le sunni et le mubtadi'. Je recite, je reviens à la risala de Al-Uthaymin à la page 29, lorsqu'il dit الأحكام الأخروية المترتبة على الردة les règles de la vie de l'au-delà qui sont liées à l'apostasie. أولا أن الملائكة تتوبخه وتقرعه بل تضرب وجوههم وأدبارهم les anges frappent leur visage et les enlaidissent lorsqu'ils prennent leurs armes. قال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله عز وجل a dit, ce qui signifie, et lorsque tu les verras, lorsque les anges feront mourir les gens, ceux qui ont mécru, en frappant leur visage et leur dos, et goûter le châtiment de la brûlure. Cela parce que vos mains ont avancé, c'est-à-dire par vos actes, c'est-à-dire l'adab, bima qaddamat aydikum, vous avez le châtiment parce que vous avez fait vous d'actes, et Allah n'est pas injuste envers ses serviteurs. Thaniyan, le deuxième, et ici il parle de celui qui délaisse la salat, il ne parle pas encore une fois des bouddhistes ou des hindous. أنه يحشر مع أهل الكفر والشرك لأنه منهم. Il parle de ceux qui font pas la salat et il dit il sera ressuscité avec les gens de la mécréance et du shirk car il fait partie d'eux. قال الله تعالى احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم فاهدوهم الى صراط الجحيم والازواج جمع زوج وهو صنف يحشر الذين ظلموا ومن كان من اصنافهم من اهل الكفر والظلم. Et Allah dit عز وجل rassemblez ceux qui ont été injustes et leurs semblables et ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah et guidez-les vers quoi? Vers le sentier de l'enfer. Dans surat al-Saffat. Thalitha, al-khuloudu finnar, abad al-abidin. Troisièmement, l'éternité en le feu de l'enfer. Qala Allahu ta'ala, inna allaha la'ana al-kafirin wa adda lahum sa'ira. Khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. الله عز وجل عزيز كي سينيفي dans sourate al-Ahzab verset 64 à 66 Allah a maudit al-kafirin les mécréants et leur a préparé sa'ir le nom de l'enfer. Ils y seront ou ils y demeureront éternellement. Ils ne trouveront ni alliés ni secoureurs. Et lorsque leurs visages seront retournés dans le feu, ils diront « Malheur à nous, pourquoi n'avons-nous pas obéi à Allah et obéi au messager ?» Ça, on le dit à toute personne qui fait les annulations d'islam, à celui qui délaisse la salat, à celui qui suit, les savants du mal, qui les mettront ou qui les guideront vers l'enfer par leur mécréance. C'est ça que tu diras, ya Abdallah, le jour où tu seras devant ton Seigneur, tu diras « Malheur à moi, ya laytana » أطعنا الله وأطعنا الرسول. Si seulement j'avais obéi à Allah et j'avais obéi au messager. وقالوا, il continue dans le reste du verset, c'est pas cité dans Risala, mais je continue. وقالوا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل. Il dit en quoi? Nous avons obéi à nos sada, à nos maîtres. وكبراءنا et à nos grands. فضلونا السبيل, ils nous ont égarés. ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Oh Allah, donne-leur deux parts de châtiment et maudis-le d'une grande malédiction. C'est ça qu'ils diront, les gens qui les ont égarés, parmi les imams du Kofr, ou parmi les savants du mal, ou juifs, chrétiens, murtaddin, tous, les juifs, ils prendront leur rabbin, leur diront, c'est eux qui nous ont égarés, ils nous ont raconté les mensonges, et les chrétiens, ils prendront leurs prêtres, et les communistes, ils prendront leurs tawarites, et les murtaddin, ils prendront leurs cheikh, et etc., etc. Ben rien, ça te profitera en rien, vous serez tous en enfer. Allah, il a dit quoi au début du verset? Yawma tuqallabu wujuhum finnar. Et là, c'est quand qu'il dit ça? Quand on leur tournera leur mirage en enfer, aliyadu billah. Subhanallah, lam yasalukal jannah maqarraba ilayha min qawlin wa amal. Wa na'udhu bika minan nari wa maqarraba ilayha min qawlin wa amal. Demande à Allah qui nous donne le paradis, qui nous rapproche de lui parmi les paroles et les actes, et qui nous préserve de l'enfer, et ce qui nous rapproche de lui parmi les paroles et les actes. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين